Chapitre 7. Le temps n'était plus où le soupçon ne pouvait pas s'élever jusqu'à la zone sereine et pure dans laquelle Hortense planait immaculée. Elle était descendue de ce trône et n'était plus qu'une simple mortelle. Pourquoi, après tout, pourquoi croire aveuglément qu'elle valait mieux que les autres? Terrible question que celle-là. Et à l'heure où elle se pose devant un amant, il y a déjà bien des chances pour qu'il admette que la femme qu'il a aimée et qu'il veut aimer encore pour telle ou telle raison vaut moins que les autres, et surtout moins qu'une autre. Fatalement, elle conduisait à une seconde. Pourquoi tant d'accusations contre Cara? Car elle était Cara maintenant, et pas une seule contre Madeleine. Pour celle-ci, l'unanimité dans les loges. Pour celle-là, l'unanimité dans le blâme. Il saisirait la première occasion qui se présenterait pour faire ce contrôle, et si les rapports étaient vrais, elle ne tarderait pas à se présenter. Ils indiquaient le jeudi pour la visite à Salzondo. Ils verraient le jeudi suivant. Et pour Otto, qui n'avait pas de jour, ils verraient plus tard. Mais le jeudi suivant, qui justement était le lendemain, cette occasion ne se présenta pas. Cara ne sortit point. Le vendredi, elle ne sortit pas davantage. Se savait-elle surveillée? Ou bien ses rapports étaient-ils faux? En réalité, elle se tenait sur ses gardes. Tant qu'elle avait été sûre de Léon, elle avait agi librement, sans gêne, et selon ses fantaisies. Pourquoi eut-elle pris des précautions inutiles pour un homme qui ne voyait que ce qu'elle voulait bien qu'il regardât, qui n'entendait que ce qu'elle voulait bien qu'il écoutât? Pourquoi se cacher d'un aveugle et d'un sourd? Mais du jour où elle avait remarqué des changements chez Léon, et où il s'était senti menacé dans la toute-puissance de son influence, Salzondo et Otto lui-même l'avaient attendu inutilement. Ce n'était pas le moment de faire des imprudences. Peu de mois restaient à courir avant le mariage. Il fallait les consacrer à la raison et à la prudence. Pâques arriverait après ce temps de carême. Et comme elle voulait que ce carême fût aussi court que possible, elle veillait avec soin ce que les délais imposés par la loi pour les sommations respectueuses fussent rigoureusement observés. Grande fut sa surprise lorsqu'elle apprit que le notaire de la branche n'avait point notifié à M. et Mme Aupois d'Aguillon le troisième et dernier acte. Que pouvait signifier un pareil retard? Était-il le fait du notaire ou de Léon? Elle s'en expliqua avec celui-ci. « Qui t'a dit que cette sommation n'avait pas été faite ?» demanda Léon. « Riol. Riol se mêle de ce qui ne le regarde pas. C'est à moi de demander la notification de cet acte et non à d'autres. »« Et tu ne l'as pas demandé ?» Elle est inutile en ce moment. Il vaut mieux attendre l'arrêt de la cour. Si la cour infirme le jugement du tribunal qui déclare notre mariage nul, nous n'avons pas besoin de procéder à un nouveau mariage. Et dès lors, les actes respectueux sont inutiles. Si au contraire elle le confirme, il sera temps à ce moment-là de recourir au dernier acte respectueux. Tu sais bien qu'elle le confirmera. Si tu étais franc, tu dirais que tu espères qu'elle le confirmera. Et c'est parce que tu as cette espérance que tu ne veux pas que cette dernière sommation soit notifiée. Je ne veux pas qu'elle le soit, parce qu'il ne me convient pas, en ce moment, de pousser les choses à l'extrémité. Mon père et ma mère sont malades de chagrin. Il ne me convient pas de les tuer. C'était lors de la première sommation qu'il fallait faire ces touchantes réflexions. Lors de la première sommation, j'étais exaspérée par le procès en nullité de mariage. Et tu as su mettre cette exaspération à profit pour m'arracher l'ordre de faire cette sommation. Aujourd'hui, je ne suis plus sous ce coup immédiat de la colère. Je me suis calmé. Dis que tu as réfléchi. Si tu le veux, j'ai réfléchi et j'ai compris. J'ai senti que j'avais des devoirs envers mes parents. N'en as-tu pas envers moi? Il me semble que je les ai remplis. Tu as voulu ce mariage pour calmer ta conscience qui s'éveillait. Je l'ai accepté, bien qu'il ne me parût pas sérieux. Parce qu'il ne te paraissait pas sérieux, plutôt. Tu cherches une querelle, je ne suis point d'humeur à en supporter une. Au revoir. Elle se jeta sur lui pour le retenir. Léon, je t'en conjure, si tu m'aimes encore, par pitié. Il se dégagea assez brusquement, descendit l'escalier 4 à 4 et courant toujours, il se rendit de la rue Aubert à la rue de Châteaudun. Il était furieux en sortant de chez Cara. Il entra souriant chez Madeleine. Il resta 3 heures rue Châteaudun à écouter Madeleine travailler. Jamais il n'avait entendu chanter avec tant d'âme et tant de charme. Il était ravi, émerveillé, transporté. Cependant, il fallut quitter Madeleine pour retourner près de Cara. « Quand te verrai-je ? » demanda Madeleine. « Bientôt. Sais-tu que tu as été 5 jours sans venir ? » ?»« Pardonne-moi, j'ai été très occupée, et surtout, très préoccupée, très peinée. »« Raison de plus pour venir ? Si je ne t'avais pas consolée, au moins j'aurais essayé de te distraire. »« À bientôt. Quand tu pourras, quand tu voudras. » S'il s'était sauvé pour éviter une scène, il était peu disposé à en subir une à son retour. Bien que ce fût l'heure du dîner, il ne trouva ni lumière allumée, ni couvert mis dans la salle à manger. Il sonna Louise, elle ne répondit pas. Que signifiait ce silence? Hortense serait-elle sortie pour dîner dehors? Et Louise, se voyant libre, en aurait-elle profité pour aller se promener? S'il en était ainsi, il allait bien vite retourner chez Madeleine et dîner avec elle. De la salle à manger, il passa dans le salon. Il n'y trouva personne. Dans la chambre, elle était vide. Il crut entendre un bruit dans le cabinet de toilette, comme un soupir plaintif. Au moment où il se dirigeait de ce côté, son flambeau à la main, une odeur douceâtre et vireuse le frappa. Il entra vivement. Dans l'ombre, sur un divan, il aperçut Hortense couchée tout de son long. Il s'approcha d'elle. Elle ne bougea pas. Ses yeux étaient clos. Sa face était décolorée. Une légère écume moussait au coin de ses lèvres. Il la prit et la releva. Elle fit entendre un faible soupir et retomba sur le coussin. Il regarda autour de lui. Sur la table où il avait posé son flambeau se trouvait une fiole noire entourée d'étiquettes rouges et blanches. Il la prit. Elle était vide. Sur l'étiquette blanche, il lut « Laudanum de Sydenham ». Il revint à Hortense et la prenant dans ses bras brusquement, il la mit debout sur ses pieds. Ce n'était pas la première fois qu'elle s'empoisonnait, c'était la seconde. À leur retour d'Amérique, au moment où il était question d'adresser des sommations à M. et Mme Haupois et où ils se refusaient à cette mesure, elle avait déjà vidé une fiole de laudanum. Il l'avait soignée et secourue en perdant la tête, ne sachant trop ce qu'il faisait, la pressant dans ses bras, l'entourant de caresses, de tendresse, la couvrant de baisers, se jetant à ses genoux, lui disant de douces paroles, et il l'avait sauvée. Peu d'instants après lui avoir dit qu'il ferait ses sommations, elle avait ouvert les yeux. Cette fois, ce ne fut point de la même manière qu'il la soigna. Ce ne fut point par la tendresse et la douceur. Ce fut vigoureusement. Après l'avoir plantée sur les pieds, il la prit dans son bras et la poussant, la secouant, il l'obligea à marcher jusqu'à la cuisine. Là, il l'assit sur une chaise et prenant dans une armoire une bouteille où se trouvait le café que Louise préparait à l'avance pour ses déjeuners, il lui en fit boire une grande tasse et comme elle ne pouvait desserrer les dents, il les lui écarta avec une cuillère, de force, et il lui entonna le café dans la bouche. Puis, la prenant de nouveau dans son bras, il la fit marcher de long en large à travers tout l'appartement. Quand elle s'abandonnait, il la relevait énergiquement. Quelle différence entre ce second traitement et le premier, entre les caresses de l'un et les bousculades de l'autre. Cependant, l'effet du second fut beaucoup plus rapide que ne l'avait été celui du premier. Elle ne tarda pas à ouvrir les yeux et à prononcer quelques paroles sans suite. Puis elle voulut s'asseoir. Alors, à plusieurs reprises, elle passa ses deux mains sur son visage en regardant Léon. Et tout à coup, elle éclata en sanglots. Il s'était assis devant elle. Il resta immobile, la regardant, attendant que cette crise nerveuse fût calmée avant de lui parler. Ils demeurèrent ainsi en face l'un de l'autre pendant plus d'un quart d'heure, elle pleurant et sanglotant, lui réfléchissant. Ce fut elle qui la première rompit ce silence. « Pourquoi n'as-tu pas voulu me laisser mourir ? » s'écria-t-elle. « Parce que tu ne voulais pas mourir. Si tu as cru cela, pourquoi m'as-tu secouru ? Parce que n'y a-t-il qu'une chance contre 1000 pour que ton suicide fût vrai, je devais te soigner. » Brutalement. Mais comment m'étonner de cette brutalité chez un homme qui me trompe? tu viens de chez elle. En sortant d'ici, c'est chez elle que tu as couru. Et c'est après t'avoir vu entrer au numéro 48 que je suis revenu ici et que j'ai bu ce laudanum. J'en ai trop pris, sans doute. La prochaine fois, je serai moins maladroite. Ah, l'infâme, la misérable !» Qui, infâme ? Qui, misérable ? S'écria-t-il. Et quelle autre, si ce n'est ta cousine, cette comédienne, la maîtresse de celui qui la traîne de ville en ville ? Tout le monde sait que ce vieil Italien est son amant. Il est payé en nature. D'un bond, il fut sur ses pieds, et il leva au-dessus d'elle ses deux poings crispés. Le geste fut si furieux qu'elle courba la tête, mais il ne frappa pas. Après l'avoir regardée durant une ou deux secondes, il s'élança dans le salon. Elle courut après lui, et quand elle arriva dans la salle à manger, il fermait la porte de l'entrée. Elle l'ouvrit. Il avait déjà descendu deux étages. Le rejoindre était impossible. L'appeler était inutile. Elle rentra, puis allant dans sa chambre, elle prit un paletot et un chapeau avec une voilette noire et épaisse. Ainsi habillée, elle descendit à son tour l'escalier. Quand elle fut dans la rue, une voiture vite passait. Elle arrêta le cocher et lui dit de la conduire rue de Châteaudun, numéro 48. Là, il attendrait. Chapitre 8. En sortant de la rue Aubert, il gagna les boulevards, puis les quais. Il avait besoin de marcher. La colère grondait dans son cœur et dans sa tête. La fièvre bouillonnait dans ses veines. Il fallait qu'il calmât l'une et qu'il usât l'autre par le mouvement. Il alla ainsi à grands pas, droit devant lui, sans rien voir, sans savoir où il était, pendant près de 2 heures. Puis, se trouvant sur la place de la Concorde, l'idée lui vint d'entrer rue de Rivoli. Il savait par Madeleine que son ancien appartement était dans l'état où il l'avait quitté. Il s'y installerait et ce serait fini, bien fini avec Cara. S'il avait eu sa clé, il aurait réalisé cette idée. Mais à la pensée d'aller sonner à la porte de son père pour demander cette clé à Jacques, un mouvement de fausse honte le retint. Ce n'était pas ainsi qu'il devait rentrer chez lui, s'il y rentrait. Depuis longtemps, il n'avait point osé passer rue Royale. Mais à cette heure, il n'avait point à craindre la rencontre d'un employé. Arrivé devant la maison de son père, il vit une faible lumière à une fenêtre, celle du bureau de ses parents. Sa mère était là, penchée sur ses livres, travaillant encore. Pauvre femme ! Et une douloureuse émotion le serra à la gorge. Il continua sa marche jusqu'à la gare Saint-Lazare. Et là, il se souvint qu'il n'avait pas dîné. Il entra dans un restaurant et dit au garçon de lui servir à manger, n'importe quoi, ce qui se trouverait de près. Qu'allait-il faire en sortant de ce restaurant ? Il ne pouvait pas errer toute la nuit dans les rues. Il ne pouvait pas davantage rentrer chez lui, rue Aubert, puisqu'il était décidé à ne revoir jamais Cara. À ce moment, une personne qui occupait la table voisine de la sienne dit au garçon de se presser, afin de ne pas lui faire manquer le train du Havre. Ce nom, tombant par hasard dans son oreille, lui suggéra l'idée d'aller au Havre. La mer le calmerait. Justement, il avait changé un billet de 500 francs le matin, et il en avait gardé la monnaie. C'était plus qu'il ne lui fallait pour ce petit voyage. Bien qu'il fût seul dans son compartiment, il ne put pas dormir. Il était trop agité, trop fiévreux. Et puis il soufflait au dehors un vent de tempête qui secouait les vitres du wagon à croire qu'elles allaient se briser. Quand il regardait dans la campagne, il voyait, éclairé par la lune, les arbres sans feuilles se tordre sous l'effort du vent. Puis tout à coup, il ne voyait plus rien. La lune se voilait de gros nuages noirs et des ondées rapides fouettaient les vitres. À Motteville, il aperçut une rangée d'énormes sapins couchés dans le champ, les racines en l'air. En débarquant au Havre, au petit jour, il prit une voiture et dit au cocher de le conduire à la jetée. Mais celui-ci ne put aller beaucoup plus loin que le musée. « Ma voiture serait culbutée par le vent » dit-il en criant ces quelques mots dans l'oreille de Léon. Léon descendit et s'en alla jusqu'au pavillon des signaux, marchant en zigzag, la figure cinglée par le gravier. Contre ce pavillon et contre la batterie, des gens se tenaient abrités, risquant de temps en temps un œil pour regarder la mer. Le jour se levait, sale et livide, obscurci par les nuages qui arrivaient de l'ouest, entraînant sur la mer. Çà et là, dans ce mur noir, s'ouvraient des trouées jaunes qui éclairaient l'horizon. Mais aussi loin que la vue pouvait s'étendre, on n'apercevait qu'une immense nappe d'écume, sans une seule voile. Bien que la marée ne fût pas encore haute, des gerbes d'eau passaient par-dessus la jetée. Léon resta environ une heure à regarder ce spectacle. Puis l'idée lui vint d'aller faire une promenade en mer, s'il trouvait un bateau prêt à sortir. Ce temps était à souhait pour son état moral. Pour revenir à l'avant-port, il n'eut qu'à se laisser pousser par le vent. Mais ni les bateaux d'Honfleur, ni ceux de Trouville ne se préparaient à sortir. Seul le bateau de Caen chauffait. Il irait à Caen. Que lui importait un pays ou un autre jusqu'à ce qu'il sût ce qu'il ferait? Pour aller à Caen, la traversée serait plus longue, et cela ne pouvait pas lui déplaire. Il embarqua donc, et il se trouva le seul passager qui eût osé braver ce gros temps. Un matelot à qui il s'adressa, une pièce blanche dans la main, lui prêta une vareuse et un surouette imperméable, et ainsi équipé, il resta pendant toute la traversée, appuyé contre le mât d'Artimon, secoué par la mer, bousculé par le vent, arrosé par les vagues, mais éprouvant intérieurement un sentiment d'apaisement. Arrivé à Caen, il ne s'y arrêta pas. Qu'avait-il à y faire? Il s'en alla à Saint-Aubin pour penser à Madeleine et revoir le pays où ils avaient vécu ensemble pendant 8 jours. Le village était désert, ou tout au moins les maisons bâties au bord du rivage étaient closes. Il semblait qu'on était dans une ville morte, dont tous les habitants avaient miraculeusement disparu. Pompéi ou le château de la Belle au bois dormant. Il trouva cependant un hôtel où l'on voulut bien le recevoir et un marchand qui lui vendit une vareuse, un bonnet de laine, une chemise de flanelle et des bottes. Alors il put descendre sur la grève où les vagues furieuses venaient s'abattre en creusant des sillons dans le sable. Suivant le rivage, il alla jusqu'à Courseul, dîna dans une auberge et s'en revint le soir lentement par la plage, s'arrêtant de place en place pour regarder les nuages qui passaient sur la face de la lune ou pour chercher les deux phares de la Ève qui disparaissaient souvent dans des embruns. Comme cette nuit ressemblait à celle où il était venu avec Madeleine et les pêcheurs chercher à cette même place le cadavre de son oncle. Cette lune qui le regardait maintenant solitaire les avait vus alors tous les deux et sur ce sable elle avait joint leurs ombres. Que n'avait-il parlé alors? Ou tout au moins quelques jours plus tard, à Paris. Elle n'eût pas quitté la maison de la rue de Rivoli. Elle ne serait pas devenue chanteuse, et lui... Il voulut chasser la pensée qui se présenta à son esprit, mais il n'y parvint qu'en évoquant l'image de Madeleine. Ah, comme il l'aimait! Et c'était là justement le malheur de sa situation. Il aimait une femme qui ne pouvait être à lui, et il n'aimait plus celle à laquelle il était lié. Si les rapports qu'il avait lus disaient vrai, et maintenant il le croyait, il devait être un objet de risée ou de mépris pour ceux qui le connaissaient. Et aux yeux de ceux qui la connaissaient, elle, il était déshonoré. On peut donner sa fortune, son cœur à une femme perdue, on ne lui donne pas son nom. Et pendant toute la soirée, pendant la nuit surtout, où il dormit peu, réveillé qu'il était à chaque instant par le hurlement de la tempête, le tumulte des vagues, les plaintes du vent dans la cheminée, les secousses qui l'apprimaient à la porte et à la fenêtre, le balancement de la maison, cette pensée lui revint sans cesse, l'obséda, l'hallucina. Quand il s'endormait, il continuait d'entendre le vent, et il sentait ses idées tumultueuses rouler dans sa cervelle, se heurter, se confondre en tourbillon comme les vagues qui venaient frapper et se briser sur la côte, avec des coups sourds qu'il percevait douloureusement. Quand il se leva le lendemain matin, le vent était calmé et la pluie tombait à torrents. Comme il était impossible de sortir, il resta au coin du feu. Enfin les nuages passèrent et le temps s'éclaircit. Il put alors quitter sa chambre, mais au lieu de descendre à la mer, il remonta dans le village pour aller au cimetière, à la tombe de son oncle. Comme il longeait l'église, il aperçut devant cette tombe une femme inclinée dans l'attitude du recueillement et de la prière. Bien qu'enveloppée dans un gros manteau et encapuchonnée, cette femme ressemblait à Madeleine. Il avança vivement, c'était elle. Mais soit qu'elle ne l'eût pas entendu marcher sur la terre humide, soit qu'elle fût absorbée dans ses pensées, elle ne tourna pas la tête. Alors, à quelques pas d'elle, derrière elle, il s'arrêta et resta silencieux, la regardant, le cœur ému, l'esprit troublé. Enfin, elle se retourna, et l'apercevant ainsi tout à coup, elle eut un geste de surprise qui la fit reculer d'un pas. Mais en même temps, un sourire se montra sur son visage baigné de larmes. « Toi !» s'écria-t-elle en lui serrant les deux mains. Il les prit et les serra longuement. « Comment, tu as pensé à l'anniversaire de sa naissance ? » dit-elle d'un ton heureux et avec l'accent de la gratitude. « Non, dit-il, je dois avouer que ce n'est pas pour cet anniversaire que je suis ici. J'ai quitté Paris parce que j'étais malheureux, et je suis venu à Saint-Aubin parce que j'avais besoin de penser à toi et de revoir le pays où nous avions vécu ensemble pendant 8 jours. » Il dit ces dernières paroles comme si elles lui étaient arrachées par une force à laquelle il ne pouvait résister. Puis, mettant le bras de Madeleine sous le sien, ils sortirent du cimetière. Ils se dirigèrent du côté de la mer, et jusqu'à ce qu'ils fussent descendus sur la grève déserte, Léon ne parla que de choses insignifiantes. Là seulement, il revint au sujet qu'il avait abordé dans le cimetière. « Sais-tu que ton arrivée ici est vraiment providentielle pour moi ? » dit-il. « Elle va me permettre de ne pas rentrer à Paris. »« Tu veux ne pas revenir à Paris ?»« Chère Madeleine, je suis dans une situation horrible. Follement, par chagrin, je me suis jetée dans une liaison honteuse. Et plus follement encore, je me suis laissée entraîner à un mariage qui, pour être nul légalement, n'en fera pas moins le désespoir de ma vie. Cette liaison, je veux la rompre, comme je ne veux jamais revoir celle qui m'a poussée à cette folie. Pour cela, j'ai pris le parti de quitter la France et de me cacher en Amérique. Seulement, il faut que tu saches que je suis sans ressources et que, pourvu d'un conseil judiciaire, je ne puis pas emprunter. Or, m'en aller en Amérique sans rien, c'est m'exposer à mourir de faim. Veux-tu m'aider à aller en Amérique et à y gagner ma vie en me prêtant l'argent nécessaire à cela ? Cela est étrange, n'est-ce pas, que moi, héritier de la maison au Poix d'Aiguillon, j'emprunte quelques milliers de francs à une pauvre fille comme toi. Enfin, c'est ainsi. Ta pauvreté te permet-elle de me prêter ? De me donner ce que je demande à ton amitié, à notre parenté ? Je le pourrais, mais je ne le veux pas, car je ne peux pas t'aider à partir. Il faut que je parte, cependant. Pourquoi partir si tu sens, si tu es sûr que cette rupture est irrévocable ? Parce que... Il hésita assez longtemps. Parce que, quand je me suis jeté dans cette liaison, ça a été pour oublier une personne que j'avais aimée et que je croyais ne jamais revoir. Depuis que j'ai revu cette personne, j'ai reconnu que je l'aimais toujours, que je l'aimais plus que je ne l'avais aimée. Mais cette personne ne peut m'aimer. Et le put-elle, je ne puis pas lui demander d'être ma femme, car elle n'a pas de fortune et mes parents ne consentiraient jamais à l'accueillir comme leur fille. Tu comprends, n'est-ce pas, que je ne me marierai pas une seconde fois sans le consentement de mon père et de ma mère. Et tu comprends aussi que dans ces conditions, je dois partir. Mais si tu avais ce consentement, partirais-tu ? Mais je ne pourrais pas l'avoir. Et si je te disais que je l'aurais, moi, que je l'ai, partirais-tu ? Madeleine, si je te disais que ton père et ta mère m'ont demandé d'être ta femme, partirais-tu ? Si je te disais que tu te trompes en croyant que celle que tu aimes ne pourra pas t'aimer, partirais-tu ? Chapitre 9. Ils allèrent jusqu'au sémaphore de Bernières, et tous deux, l'un à côté de l'autre, Madeleine lisant ce que Léon écrivait, Léon lisant ce qu'écrivait Madeleine, ils rédigèrent leur dépêche. « Cher oncle, tuez le veau gras. Invitez pour demain Monsieur Billasson et faites mettre le couvert de Léon ainsi que celui de votre fille. Madeleine. Chère mère, je te prie de vouloir bien faire préparer mon ancien appartement pour recevoir Madeleine. Quant à moi, je demande à te remplacer rue Royale et à réparer le temps perdu. Léon. Lorsque le lendemain soir, ils arrivèrent rue de Rivoli, ils trouvèrent l'escalier plein d'arbustes fleuris. Les portes de l'entrée de l'appartement de monsieur et de madame Haupois étaient grandes ouvertes, et dans le vestibule se tenait Jacques, en habit noir, cravaté de blanc, ganté, prêt à annoncer les invités comme en un jour de grande fête. Et quelle plus grande fête pouvait-il y avoir pour ce père et cette mère si tristes la veille encore que le retour de l'enfant prodigue à la maison paternelle. Madeleine avait voulu prendre le bras de Léon, mais il ne s'était pas prêté à cet arrangement. « Non, dit-il, prends-moi par la main. Je tiens à ce qu'il soit bien marqué que c'est toi qui me ramènes. » Mais ni le père ni la mère n'étaient en état de faire cette remarque. Dans leur élan de bonheur, ils ne virent que leur fils. Billasson seul l'observa. « C'est bien cela, dit-il en baisant la main de Madeleine. Sans vous, il ne serait jamais revenu dans cette maison. Et c'est à vous seul qu'est dû ce miracle. » La dépêche de Madeleine avait été exécutée à la lettre par Madame Haupois d'Aguillon. Elle avait tué le veau gras, et jamais dîner plus splendide et plus exquis en même temps n'avait été servi chez elle. Ce fut ce que Billasson constata en accompagnant son compliment de regret. « Il ne faut pas être trop heureux pour bien manger, dit-il. Nous manquons de recueillement pour apprécier ce merveilleux dîner. » Madeleine et Léon croyaient passer la soirée dans une étroite intimité. Mais à 9 heures, Jacques, ouvrant la porte du salon, annonça M. le jeuneste de la Crochardière, le notaire de la famille. Que venait-il faire? M. Haupois d'Aguillon se chargea de répondre à cette question que Léon s'était posée. Il le fit avec une dignité tempérée par l'émotion. « Comme tu nous as fait part de ton désir de rentrer dans notre maison, dit-il, nous avons pensé, ta mère et moi, que ce ne pouvait pas être dans les mêmes conditions qu'autrefois. Nous avons donc prié Monsieur le jeuneste de dresser un projet d'acte de société dont il va te donner lecture et que nous réaliserons quand tu auras été relevé de ton conseil judiciaire. Notre société est formée pour 5 années. Elle te reconnaît une part de propriété égale à la nôtre. La raison sociale sera Haupois d'Aguillon et fils, et la direction de notre maison de Madrid sera, si tu le veux bien, confié à sa froid. » Ces derniers mots s'adressèrent à Madeleine autant qu'à Léon. La lecture de cet acte et les commentaires dont l'accompagna M. le jeuneste de la Crochardière, homme discret et prolixe, presque aussi prolixe en ses discours qu'en son nom, occupèrent tout le reste de la soirée. Léon voulut conduire Madeleine jusqu'à la porte de son ancien appartement. Puis, avant de rentrer rue Royale, il voulut aussi reconduire Billasson, car il avait à entretenir celui-ci d'une affaire délicate dont il ne pouvait parler ni devant Madeleine, ni devant ses parents. « Mon cher ami, dit-il, avez-vous assez confiance dans l'associé de la maison Haupois d'Aguillon pour lui prêter 300 000 francs ? Je te préviens que si tu veux employer cet argent à payer le dédit de Madeleine, tu n'as pas besoin de t'endetter. Il est convenu que ton père prend ce dédit à sa charge et qu'il traitera avec Siadziga. Quant à l'engagement que Madeleine a signé à l'opéra, il sera expiré avant que vous puissiez vous marier. Ce n'est point de Madeleine qu'il s'agit, c'est de Cara. Elle a vendu son mobilier pour moi et cette vente lui a fait subir une perte. On prétend au contraire qu'elle lui a donné un gros bénéfice. Ceci est affaire d'appréciation. De plus, elle m'a prêté diverses sommes. J'estime que ces sommes et que l'indemnité que je lui dois valent 300 000 francs. Voulez-vous les payer en mon nom? Car je ne veux pas la revoir. Si vous me refusez, je serai obligé de m'adresser à mes parents, et cela me coûtera beaucoup. Je ne voudrais pas mettre cette nouvelle dépense à leur charge. Je voudrais au contraire la quitter avec mes premiers bénéfices. Eh bien, je te les prêterai, mais à une condition qui est que je ne les verserai à Cara que le jour de ton mariage. Et dès demain, j'irai régler cette affaire avec elle. Le lendemain matin, en effet, Billasson se rendit rue Aubert. Il fut reçu avec empressement. « Où est Léon ? » demanda-t-elle avec anxiété. « Rassurez-vous, il n'est pas perdu. Il est chez ses parents, dont il devient l'associé. Cette association est consentie en vue de son prochain mariage avec sa cousine Madeleine, qui se célébrera quand la nullité du vôtre aura été prononcée par la cour de Rome. » Cara ne broncha pas. « Si je vous annonce ce mariage, continua Biasson, vous sentez que c'est parce que nous avons la certitude que vous ne pouvez pas l'empêcher. Léon aime sa cousine, et rien ne guérit mieux un ancien amour qu'un nouveau. Toute tentative de votre part serait donc inutile. Vous savez cela mieux que moi. Cependant, comme vous pourriez avoir la fantaisie d'engager une lutte, qui, pour n'être pas dangereuse, n'en serait pas moins agaçante, je vous offre 300 000 francs que je prends l'engagement d'honneur de vous payer le jour de notre mariage, si d'ici là vous nous laissez en paix. Et combien m'offrez-vous pour que je ne soutienne pas la validité de mon mariage ? Rien, nous sommes sûrs d'obtenir la nullité que nous demandons. Nous ne pouvons donc pas vous la payer. D'ailleurs, 300 000 francs, c'est une belle somme, et qui représente largement les sacrifices que vous avez pu faire en vue d'assurer votre mariage avec mon jeune ami. » Elle pâlit, et ses lèvres se décolorèrent. Mais elle se raidit, et par un effort de volonté, elle parvint à amener un sourire sur ses lèvres frémissantes. « Vous aviez voulu m'étrangler comme une bête malfaisante, » dit-elle. « Vous réalisez aujourd'hui votre désir. » Convenez au moins que l'empreinte de mes doigts est adoucie par les chiffons de papier qui les enveloppent. » Cara, ainsi que l'avait dit Biasson, savait mieux que personne toute la force d'un nouvel amour. Cependant, elle voulut voir si elle ne pouvait pas reconquérir Léon en perdant Madeleine, ce qui était sa seule chance de succès. Mais Siadziga, sur qui elle comptait, ne put pas l'aider. D'ailleurs, après un moment de dépit, il s'était résigné à toucher ses 200 000 francs, et maintenant il n'attendait plus que ce moment pour aller vivre en Italie, heureux et tranquille, n'ayant d'autres regrets que de voir une grande artiste finir misérablement dans un mariage bourgeois. Battue de ce côté, Cara, qui ne voulait pas exposer ses 300 000 francs, n'eut plus d'espérance que dans la validité de son mariage, car il était bien certain que si la famille Haut-Poix d'Aguillon croyait ne pas pouvoir obtenir de la cour de Rome la nullité de ce mariage, elle lui payerait cher son acquiescement à la demande en nullité. C'était une dernière carte à jouer, et il fallait la jouer sérieusement. Malheureusement pour elle, elle perdit encore cette partie. Malgré l'apparente confiance de Biasson, il n'était pas du tout prouvé que Rome prononçât jamais cette nullité. Monsieur et Madame Haut-Poix s'étaient adressés à un personnage influent, disait-on, et qui déjà avait fait prononcer la nullité d'un mariage conclu entre un banquier allemand et une Française. Mais ce personnage, tout en se faisant donner de l'argent, n'avançait à rien et répondait toujours que l'affaire était grave, qu'il fallait attendre, etc. Impatientée d'attendre, Madame Haut-Poix entreprit le voyage de Rome, et se jetant aux pieds du pape, elle lui expliqua avec l'éloquence d'une mère comment son fils avait été marié. Elle obtint alors qu'une enquête serait ouverte à l'archevêché de Paris, conformément à la bulle de Benoît XIV, De Miserationé, et que le résultat en serait transmis à la sacrée congrégation du Concile qui examinerait la validité de ce mariage. Ce fut devant ce tribunal de l'officialité diocésaine que comparurent Léon et Cara, M. et Mme Haut-Poix, Biasson et tous ceux qui avaient eu connaissance des faits se rapportant à ce mariage. Malgré l'habileté de sa défense, Cara fut convaincue de n'avoir été en Amérique que pour éluder la loi canonique et d'avoir trompé l'abbé O'Connor. Comme il fallait innocenter celui-ci de la légèreté avec laquelle il avait célébré ce mariage, elle fut chargée de toute la responsabilité et la nullité fut prononcée. Aussitôt, les publications légales furent faites à Noiseau et à Paris, et tout se prépara pour le mariage de Léon et de Madeleine. Bien que Cara eût paru subir les conditions qui lui avaient été imposées par Biasson, celui-ci n'était pas sans crainte pour le jour de la cérémonie. Comment l'empêcher d'entrer à l'église et au pied de l'autel de se jeter entre Léon et Madeleine? Elle était parfaitement capable de jouer cette scène mélodramatique, et le souvenir de son discours devant le tribunal lors du procès engagé à propos du testament du duc de Caramy, prouvait que dans certaines circonstances, elle pouvait très bien préférer la vengeance à l'intérêt. La peur de ce scandale détermina Biasson à aller voir l'ami qu'il avait à la préfecture de police, de sorte que l'on remarqua pendant la cérémonie à l'église et à la mairie, plusieurs invités à l'air martial, paraissant assez mal à l'aise dans leurs gants, et que personne ne connaissait. Rien ne troubla cette double cérémonie, ni le dîner, ni le bal, qui eut lieu sous une tente dressée dans la cour d'honneur du château de Noiseau. De tous les amis de la famille, Biasson seul manqua à cette soirée. Il quitta Noiseau après le dîner, et à 10 heures, il arrivait rue Aubert, portant dans ses poches 300 000 francs. Cara l'attendait. Elle reçut les billets et les compta avec un calme parfait. « Maintenant, dit-elle, nous avons une dernière affaire à traiter. Combien m'achetiez-vous les 33 lettres que voici ? Elles sont de Léon, très tendres, quelquefois passionnées, d'autres fois légères. Et si j'en envoie une chaque jour à Madame Haupoisjeune, je crois que celle-ci passera une assez vilaine lune de miel. » Biasson resta un moment embarrassé, puis il allongea la main vers le paquet de lettres. « Vous permettez ? Dit-il. Si vous voulez, je vais vous en lire 2 ou 3. Non, merci, je ne tiens pas à entendre. Il me suffit de voir. » Et il feuilleta les lettres qui étaient rangées, dépliées, les unes par-dessus les autres. Elles n'ont ni enveloppe ni adresse, dit-il après son examen. Cela leur ôte pour nous une valeur qu'elles auraient, je l'avoue, si elles portaient votre nom et le timbre de la poste. Mais telles qu'elles sont en cet état, elles ne signifient rien. Car si vous les envoyez à Madame Haupoisjeune, celle-ci, qui a entendu parler de vous, croira que vous avez fait fabriquer ces lettres en imitant l'écriture de son mari. Désolée de ne pouvoir faire cette petite affaire, mais j'espère que celle des 300 000 francs vous suffira pour vivre dignement en veuve de Léon, comme vous en manifestiez le désir autrefois. Ces 300 000 francs ne suffirent pas à cela, cependant, car 2 ans après, le lendemain du baptême de son second petit-fils, M. Haupois d'Aguillon reçut la lettre suivante qui lui apprit que Cara était dans une fâcheuse situation. « Monsieur, vous trouverez ici inclus un paquet de 33 lettres. Ce sont celles que votre fils m'écrivit, et c'est tout ce qui me reste de lui. Je vous les remets, ne voulant pas m'adresser à lui pour me secourir dans la position désespérée où je me trouve. Je vais être expulsé de mon logement, et mon pauvre mobilier va être vendu si je dis je ne paye pas, ou si quelqu'un ne paye pas pour moi, une somme de 4 000 francs entre les mains de l'huissier qui me poursuit. Bonneau, 1 rue de Rouault. Veuillez agréer, monsieur, l'assurance des sentiments de respect d'une femme qui a eu l'honneur de porter votre nom et qui n'est plus, qui ne sera plus pour tous que Cara. »